Si je suis comme ça, couleur de cette terre qui nourrit les hommes. Si tu es comme ça, tes yeux sont comme un ciel bleu qui donne l'espoir. Si tu viens chez moi, je t'apprendrai à ne plus vivre en solitaire. Là je suis chez toi, ton sourire me fait découvrir tous les mystères. Créature d'un monde qui rêve aujourd'hui de pouvoir s'aimer, s'accorder pour la vie, d'être né différent et vivre en harmonie. Avec moi dans la lumière, nous les enfants de même père, et si nous tombons en chemin, tu me relèveras, je peux compter sur toi, yeah, yeah. Tu peux compter sur moi, tu peux compter sur moi. Sur moi, ah. Oh. Si tu viens chez moi, je t'apprendrai à ne plus vivre en solitaire. Là, je suis.